ça guetta. C'est vide dans le frigo, avant votre fit toujours. Ça guetta. Ça brille, ça pleure, ça casse, ça fait, ça tire, ça meurt. Ça guetta. C'est quand tu vises l'impossible, mais le système t'empêche de break. Et t'as flé, et t'as flé. Envoie ton cas tu guetta. Tu ne peux plus voir 9-4 ça guetta. Viens tu expliques sur le beat. Je qui sais que pour le cash, on les kick, on les nique. Les adversaires nous les clash. Je dérange tes épaules sur les jambes. Ma clique est trop méchante et y'a la Fnac des gens. Un sorti, le hip hop part au Texas. Je prends sa ligne directrice droit pour pas qu'il dérape. C'est pour Phéno, Jiren, méga confiance malsain. F.E.I, Archerie, 7-7 défonce. 4-4-14, douleur comme la morsure. J'ai le flow d'un dé qui provoque la morsure. Donc 4-4-14, c'est moi la valeur sûre. Pour en arriver là, j'ai ta fait, fais des heures sup. Je montre que c'est la famille des ventres vides. Pour toi ça va trop vite, comme si on t'aide, t'en fiche. Nous n'est pas s'embrouiller pour des petits trucs. Jalouse et l'attitude, que je m'entends mal, c'est ça. Guetta. C'est vide dans le frigo, avant qu'on profite toujours. Ça guetta, ça brille, ça pleure, ça casse, ça perd, ça tire, ça meurt. Ça guetta. C'est quand tu vises l'impossible, mais le système t'empêche de break. Et t'as flé, et t'as flé. Envoie ton cas tu guetta. Tu ne peux plus voir 9-4 ça guetta. Merci, écoute mes phrases depuis tout à l'heure. T'es comme un poids léger qui se trouve devant un poids lourd. Pose ma remorque, mais la règle je viens décharger. Le microphone mon bloc sous la MC je viens décharger. Mon frère, la richesse au flot d'acier. De la puissance d'un nègre, la vitesse de mes pensées. C'est pour les mecs ici, de là-bas et d'ailleurs. Là où la police rentre et repart ton tailleur. C'est mon baraka, numéro 1 du skyblock. Rien à foutre moi, pire pour les mecs des blocs. Un son renversant qui fait danser même là-bas. Tellement délirant que les CRS lèvent leur masse. Ça guette, les gâchés, les gâchés, les gâchons, les rageux. Dans leur tête les remparts chauds. Ça guette, c'est pour tous les gays. Quand on défonce comme une grosse star, que tout monte au cerveau. Ça guette, c'est vide dans le frigo. Avant qu'on profite toujours. Ça guette, ça brille, ça pleure, ça casse, ça perd, ça tire, ça meurt. Ça guette. C'est quand tu vises l'impossible, mais le système t'empêche de break. Et t'as flé, et t'as flé. Envoie ton cas tu guette. Là, tu ne peux plus voir 9-4 ça guette. Da, da. Yeah, that. 9-4 ça guetta.